Bonjour, c'est Géraldine Mühlmann. Federico Fellini est à l'honneur cette semaine sur France Culture. Il fait l'objet d'une très belle série documentaire. La Strada, la Dolce Vita, 8,5. Immergez-vous dans la mélancolie de Fellini, sensible à la mémoire, à l'étrange, à l'enfance et au loufoque. 5 épisodes de la Grande Traversée sont disponibles sur franceculture.fr et l'application Radio France. On est à la gare Termini, à Rome. Laura Nuti. Et cette gare est extrêmement importante pour Fellini. Ça marque le départ de sa carrière. Federico Fellini, l'illusionniste. Une grande traversée de Matteo Caranta et Sommanino. Pendant sa carrière, il a beaucoup aimé représenter les gares et les trains. Les trains, c'est quelque chose comme un véhicule qui permet de passer d'une dimension à l'autre. Ce n'est pas seulement un véhicule, parce qu'il a mené de la petite ville provinciale de Rimini jusqu'à Rome, qui représente la ville de rêve, la ville où tout est possible, la ville du cinéma, la ville de la Rome ancienne, de l'église, et une ville qui très présent dans l'imagination de Fellini, même avant d'y arriver. Pour se rendre à Rome depuis Rimini, il faut franchir le Rubicon qui borde la ville ou emprunter l'antique voie Émilienne. C'est un voyage sans retour dans l'espace et dans le temps. Federico Fellini ne connaît pas grand-chose de Rome. Il a vu des péplums, mais ce ne sont pas les colonnes en carton de Cinecittà qui attire le provincial dans la capitale. Fefe, ce rêve journaliste, et veut entrer au Marco Aurelio, le canard satirique toléré par le régime fasciste. Il fait des caricatures, écrit quelques textes, et dès sa première rubrique Les Lumières de la Ville, Rome est au centre de son attention. C'est là, entre les cloches du Vatican et les aqueducs antiques, qu'il nourrit sa boîte magique. C'est notre deuxième arrêt, l'épisode 2, Rome, la caverne aux images. Quelle est, selon vous, l'image avec laquelle Fellini est arrivé à Rome ? C'est une perception, un ressenti de Rome qui est autant celle du vécu des Romains que celle des Italiens qui ont tous Julien Nôtre. Un rapport à Rome, qu'ils le veuillent ou non. Et le sien, c'est celui du jeune provincial qui rêve de Rome pour y réussir, y travailler pour d'abord lui la radio italienne, le dessin, le cinéma. C'est la capitale qui permet de vivre de son activité et de ses rêves. Il décrit son arrivée à Rome comme une naissance, en fait. Il se définit presque comme étant né à Rome. À la fin des Vitelloni, la scène se termine sur le train qui part de l'équivalent de Rimini pour aller à Rome. Le personnage dit addio Guido, il dit adieu à un personnage, et c'est la voix de Fellini, en fait, qu'on entend. C'est-à-dire que dans la post-synchronisation, dans le doublage, Fellini a substitué sa propre voix à celle du doubleur. Du personnage. Et donc, c'est comme si l'entrée dans Rome dans ce film-là, Fellini avait besoin de dire « c'est moi, c'est mon entrée dans Rome, c'est moi Fellini qui vais dans Rome ». Au départ, il s'y confronte avec un effet d'étrangeté, et c'est un peu le personnage d'ailleurs qu'il met en scène dans Roma, ce fil conducteur de comme un alien qui débarquerait comme ça dans une terre complètement inconnue, mais il s'y trouve très vite chez lui jusqu'à ne plus jamais en sortir. Et Fellini a vécu tout le reste de sa vie à Rome et a refusé d'ailleurs tous les projets qu'il conduisait en dehors de Rome. Amici, abbiamo un giornalista. Buongiorno. Buongiorno. Immagino che sia ospite della casa. Non è così? On sait qu'en 1939, quand il part à Rome avec sa mère, on oublie souvent, on le voit jeune homme, très indépendant, partir pour Rome. Jean Gély. Officiellement pour y suivre des études de droit. Il ira s'inscrire à la faculté de droit, mais n'ira jamais suivre les cours parce que c'est trop éloigné de ses préoccupations. Donc, il part, il a 19 ans. Donc, c'est un jeune homme. qui a envie de faire, de s'échapper de la torpeur de Rimini. Il arrive à Rome et va en quelque sorte faire la conquête de Rome, mais n'ira pas au-delà. Rome était une ville mère pour lui. C'est une ville aux formes rondes. Sophie Guermès. Il a souvent dit qu'il voyait Rome comme une mère qui était à la fois aimante et indifférente, c'est-à-dire que c'était une mère qui ne condamnait pas, qui laissait venir ses enfants, qui les laissait partir aussi, qui nourrissait aussi. Il y a beaucoup de scènes de repas. Donc il est dans une famille et il loue une chambre et la mère est la femme la plus obèse de tous les films de Fellini. Elle est tellement énorme qu'elle ne peut pas bouger, elle reste au lit. Et un de ses fils, qui est attardé mental, vient se coucher auprès de sa mère. Et Fellini lui-même se représente parfois comme ça dans ses dessins. Aujourd'hui, je mange rien. Oui, rien de rien, mon fils. Regarde-moi ça, ça t'a pas réussi, la mère. Tu ne pouvais pas rester à la maison. Rome en 1900, fin des années 30, début des années 40, c'était un extraordinaire vivier artistique. Jean-Noël Castorio. Toute la grande génération des cinéastes des années 50, des années 60, ont commencé à travailler à cette époque-là. Et il y a des lieux, il y a des endroits, plus particulièrement, qui sont extrêmement importants. Surtout à l'époque fasciste, il y a une centralisation romaine quand même qui est extrêmement forte et qui restera en réalité les années suivantes. Et c'est bien là que ça se passe. Si on veut publier dans la presse, avoir du rayonnement national, si on veut côtoyer tout ce qui se passe, toutes les personnalités qui comptent dans le milieu culturel, c'est à Rome que ça se passe. Il va réaliser plusieurs films avec Rossellini. Il en réalise 4 au total, je crois. Alors, il assiste comme scénariste, évidemment, mais aussi comme assistant réalisateur. Et c'est sur le tournage, nous dit Fellini, de Paisa, que tout d'un coup, il a le déclic. Et il se dit, peut-être que le cinéma, c'est pas seulement, c'est pour moi, mais pas seulement écrire pour les autres, peut-être aussi tourner. Dans Paisa, j'ai suivi Rossellini à travers toute l'Italie, car les épisodes du film se déroulent de la Sicile à la vallée du Pô. Ça a été une découverte bouleversante. La guerre venait de prendre fin, et autour de nous, il y avait une nouvelle humanité, désespérée et pleine d'espoir. Des ruines, des arbres, des naufrages, et cet esprit chaotique de reconstruction. Et nous avons fait ce voyage. La caravane de Paisa a traversé cette Italie qui nous était inconnue, parce que pendant 20 ans, nous avions été prisonniers d'un régime politique qui nous avait bandé les yeux. Il était déjà proche de Rossellini au moment de Rome ville ouverte, mais c'est surtout avec Paisa. C'est en suivant Paisa qu'il va se rendre compte qu'un metteur en scène, finalement, peut être maître de ses moyens tout autant qu'un musicien, qu'un écrivain, qu'un peintre. Et alors, à ce moment-là, le cinéma peut entrer dans sa sphère d'attirance. Fellini, à un moment donné, a parlé du cinéma comme une révélation. Un terme catholique, un terme religieux, une révélation. À l'intérieur de ce cinéma, il arrive à intégrer cette touche particulière qui est son talent de caricaturiste. Ces personnages qu'il arrive à tracer parfaitement. C'est ça qui le différencie peut-être du néoréalisme Fellini. Ce qui l'intéresse, c'est pas ce que sont socialement les personnages. C'est leur trait de caractère, leur singularité. Et c'est pour ça que très tôt, ils se tournent vers les marginaux, pas forcément les marginaux au sens sociaux du terme, vers les exclus aussi, parce que c'est des personnages qui le fascinent. Et ça, là, oui, dans les premiers films, on trouve tout de suite la patte de Fellini. En septembre 1951, Fellini tourne sur la plage de Frégène, à quelques kilomètres de Rome, la première scène de son premier film, Le Chèque Blanc. Le film raconte l'histoire d'une jeune mariée qui s'échappe de la bénédiction du pape pour suivre son idole dans le monde magique du roman photo. music hall, romans photos, jeunes bohémiens en errance, cirque vagabond, petits escrocs et prostituées. Les premiers films de Fellini portent la marque de sa joyeuse mélancolie et son décor est Rome, toujours montré ou désiré. Et à partir de la Strada, on commence à ne plus regarder simplement la réalité, mais ce qu'il y a dans, disons, le côté subjectif d'aborder la réalité. Zampano est arrivato. La Strada, par exemple, avait eu un très bon accueil en France et pas un très bon accueil toujours en Italie, parce que surtout la gauche, les journaux de gauche disaient qu'il y avait une sorte de trahison du néoréalisme. Parce que là, vraiment, il y avait un changement. Il y a la réalité, mais on essaie de trouver tout un aspect subjectif de la réalité. L'ampano è arrivato. Così devi dire. È arrivato Zampano. Questa è l'ultima sera, mi perdo di mezz'ora a mischiarmi con voi, ma guardate. Une des manières de construire ses œuvres, d'ailleurs, c'était de faire des grands castings géants sauvages, alors parfois complètement sauvages, donc ils circulaient dans la ville et ils prenaient en photo beaucoup de passants, ils rangeaient toutes ces photos-là dans des enveloppes en les classant, ils faisaient sa propre cartographie, si je puis dire, de la population romaine, mais il organisait aussi des castings, il recevait directement dans son bureau, c'était très très large, c'était tous ceux qui veulent participer à un film de Fellini sont les bienvenus, c'était des heures et des heures, des queues et des queues de Romains qui venaient se présenter à lui, et c'était pour lui après une source d'inspiration, il faisait la synthèse de tout ça, il prenait des bouts de l'un et des bouts de l'autre, et le fruit de ses échanges nourrissait aussi ses personnages et ses films. Donc, indissociablement, évidemment, la ville est pour lui la population de sa ville et les Romains. Et pour lui, personne n'est mieux placé finalement que les Romains pour incarner cette ville. Fellini, lui, n'a jamais traversé le Grande Raccordo Anulare, sauf avec Pasolini. Et c'est comme ça que lui-même, comme un étranger aussi, découvre les autres quartiers, ce qui compose le reste de Rome, en reconnaissant que c'est aussi un travail pour lui de découverte et d'aller au contact, toujours avec des passeurs, des personnalités qui l'identifient et qui sont, eux, de ces quartiers-là et qui peuvent les documenter au mieux et être des médiateurs pour lui. Il y a notamment une recherche très très pointue pour trouver quelles vont être les prostituées qui vont incarner dans Roma les différents âges, notamment des bordels romains. Et puis l'affiche de Rome va être une de ces prostituées. Il met des mois et des mois à la trouver. Et c'est finalement lors d'une balade dans Rome qu'il voit cette femme qui fait 2 mètres et qui pour lui est la Rome éternelle. Fellini fait appel à Pasolini pour travailler sur Les Nuits de Cabiria en 57, parce que Pasolini est connu pour être le romancier, le poète de la Malavita, le poète des bas-fonds de Rome, de ces zones périphériques habitées par des populations immigrées, sous-prolétaires. Et donc quand Fellini veut faire Les Nuits de Cabiria, ça se passe dans les milieux de la prostitution, c'est l'histoire d'une petite prostituée des bas-fonds de Rome, et donc il fait appel à Pasolini pour l'emmener dans ces quartiers-là. Et ça, c'est assez beau, parce que Pasolini décrit... Donc c'est un texte qui s'appelle « Note sur les nuits de Cabiria ». dans lequel il décrit la manière dont Fellini a pu l'emmener véritablement en voiture, et il décrit un voyage presque magique, fabuleux, onirique. Il décrit Fellini comme une sorte de limace ou d'escargot géant qui l'emmène dans sa voiture, mais vraiment comme quelque chose qui l'absorberait. Il le décrit comme quelque chose de gigantesque, il parle des ruines de Palmyre ou de Knossos, et comme s'il était aspiré véritablement dans cette espèce d'escargot géant, comme si la voiture était aussi un lieu avec la carapace, comme si c'était la maison de Fellini véritablement. Et il décrit ce voyage dans la campagne de Rome à la recherche de la bombe, qui était une prostituée légendaire de ces quartiers de Rome que Fellini avait pour objectif, disons, de retrouver pour faire les nuits de Cabiria, tout en sachant qu'il ne la retrouverait pas, qu'il avait quelque chose de légendaire. Il décrit même la manière dont Fellini pouvait s'exprimer, il parle de sa manière d'avoir des sortes d'interjections, des sons qui pouvaient comme ça sortir de sa bouche. Enfin, il a une manière presque ethno-anthropologique de le décrire, comme une chose, véritablement, mais comme une chose dont il dit qu'il ne l'avait pas très bien compris au départ. C'est comme s'il avait eu au départ le sentiment de quelque chose d'un peu simple d'une certaine manière, ou d'un peu naïf, ou d'un peu sommaire, et qu'en réalité, derrière cette carapace, ou derrière cet aspect-là, il y avait tout un monde extraordinairement complexe, et en même temps, il semble décrire la capacité de Fellini à aspirer, à absorber aussi tout ce que les autres peuvent lui dire, et tout ce par quoi ils peuvent nourrir sa création. Dove vai? Dove vuoi che ti accompagno? A Via Veneto! A Via Veneto. Hanno ordinato lo champagne. Va tutto bene, signor Rocca? Prego. Très rapidement, enfin, dès le milieu des années 50, il y a un thème qui apparaît dans l'œuvre de Fellini. Il y a deux thèmes même, en fait. Il y a le rapport, je dirais, de la réalité à l'illusion. C'est pas pour rien qu'il revient systématiquement au spectacle. Aller vers le spectacle, c'est réfléchir sur la relation entre réalité et illusion. Et ça, c'est extrêmement important. Et le deuxième thème qui apparaît progressivement, c'est celui de la décadence et de la possibilité de rédemption. Un film qui est considéré souvent comme un des moins féliniens de Fellini, qui s'appelle Il Bidone. C'est peut-être celui-là, le film le plus sombre, et dans lequel on voit Fellini de la deuxième partie des années 50. Roberto, hai visto dei fuori che cadiac? C'est l'histoire d'un escroc, de sa descente aux enfers, de cette possible rédemption. Et donc ça, c'est vraiment un thème qui revient, parce qu'on est à mi-chemin entre les figures du conte et une sorte, d'eschatologie, je dirais, narrative, sur la possibilité de renaissance des individus, qui est un thème qui le hante à cette époque-là. Lavora qui? Prego. Dicevo, balla? Interpreto l'Arlecchinata. Ma cosa sei, tedesca? No, sono inglese. Ma canti anche? No, canta solo per me stessa. Quindi La strada, Il bidone e Le notti di Cabiria. Avec La strada, Fellini, Il bidone e Le nuits de Cabiria. Gianluca Arnone. Fellini entre dans ce que l'on considère comme l'Olympe des réalisateurs chrétiens. Ces trois films constituent, entre 54 et 57, le corpus fellinien le plus proche de la prédication évangélique. Cette trilogie, rebaptisée Trilogie du salut et de la grâce, définition que lui a donnée un critique américain, Peter Bondanella, est la traduction de ce que devait être le cinéma pour les catholiques, c'est-à-dire la représentation plastique de comment le salut et la grâce étaient ouverts au plus récalcitrant des personnages. Dans La strada, c'est Zampano, joué par Anthony Quinn, qui se sauve grâce à la figure de Gelsomina. Dans Il bidone, c'est Auguste, l'escroc du film qui, à la fin de cette vie où il a trompé et gagné de l'argent sur le dos des honnêtes gens, regarde, alors qu'il est au bord de la mort, des femmes qui vont travailler avec leur visage alourdi par la charge de travail. Il les regarde et leur dit « Attendez-moi, je veux aller avec vous ». Il y a ce désir de renouer un peu avec l'humanité, avec la solidarité humaine. Dans les nuits de Cabiria, c'est la prostituée interprétée par Giulietta Masina qui, à la fin de son chemin de croix, se repent et d'une certaine manière demande le salut. D'ailleurs, les trois films se concluent de la même manière, avec un premier plan du protagoniste, de celui qui se sauve, parce que le premier plan permet la révélation de l'humain en la personne. Mais je pense que ce n'est pas pour dire, pour faire la femme de Federico Fellini, mais je pense que quelquefois Federico même cherche la scène et l'émotion sur les acteurs. Alors, quand il pense quelque chose, il veut quelque chose, je parle de moi, je ne sais pas pour les autres acteurs, et quelque chose que je dois dire, il peut-être que je joue ça, mais pour lui ce n'est pas bien pour tous les films. Alors dit non, ce n'est pas bien, et il me dit de faire une chose complètement différente. Alors elle devient tellement nerveuse parce que il cherche, et je comprends qu'il cherche, mais je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Et j'ai fait la scène dans 3, 4, 5 manières. Et pendant la scène, je suis très nerveuse. Mais après, j'ai dit, oh, si Federico a demandé ça à moi, il veut dire qu'il pense que je suis une actrice. Les personnages interprétés par Giulietta Masina incarnent plus des figures populaires, marginales, qui incarnent sociologiquement plutôt des figures de personnes mises à l'écart, les prostituées par exemple. C'est ça aussi, hein, en fait, les prostituées chez Fellini, c'est aussi la petite prostituée qui en réalité incarne à sa manière tous les laissés pour compte que certains régimes ou certaines idéologies continuent de laisser un peu sur le bord de la route. Et c'est ça qu'incarne, par exemple, dans ses premiers films, Gelsomina dans La Strada, ou Cabiria dans Les Nuits de Cabiria. Et ce sont vraiment des personnages qui lui permettent aussi d'avoir un propos social très en prise avec les problèmes de son temps et surtout avec ce que peut-être les représentations contemporaines ne mettent peut-être pas tant que ça dans le champ. Ah ben, assieds-toi. Che faccia buffa che hai. C'est pas pour dire, mais t'as une drôle de tête. Ma sei sicura d'essere una donna? Sembri un carciofo. T'es sûr que t'es une femme? Tu serais pas plutôt un artichaut. Io non so se ti resto con Zampano. N'empêche qu'ils m'ont proposé de rester avec eux. Eh ben, crois-moi, c'est ce que tu pourrais faire de mieux. On est sur la Via Veneto et vous me disiez que c'était paradoxal parce que c'est à la fois une façade touristique de la ville grâce à la Dolce Vita et c'était peut-être pas forcément l'intention de Fellini. Exactement. En effet, Fellini a eu beaucoup de problèmes pour l'image qu'il donnait de Rome à travers ses films. Il a commencé à avoir ce type de problème avec Les Nuits de Cabiria. Comme les préfets n'étaient pas contents du tout qu'il montrait une vie très touristique comme la passeggiata archéologique ou Cabiria travaille comme prostituée dans la ville du pape. P. Fellini. Il va apporter sa vision de Rome et à travers notamment la Dolce Vita et sa vision aussi de la création et de la manière de faire participer finalement toute la ville, toute la société à cette aventure-là, jusqu'à en devenir un des dépositaires, un des représentants, au sens vraiment le plus littéral du terme. Et cette image de la ville qu'il va contribuer aussi à construire va en retour le déterminer son propre parcours, son œuvre future. Donc il y a un aller-retour comme ça, un jeu d'influence et de construction entre la ville et lui, mais on peut dire qu'en effet, Fellini a rajouté une couche iconographique, et même plus qu'iconographique, puisque dans la manière d'appréhender la ville, il y a des changements très concrets, quasi urbanistiques, qui sont la conséquence du succès et de ce qu'a pu créer et médiatiser Fellini. Je pense notamment à la Fontaine de Trevi. Il y aura vraiment un avant et un après la Dolce Vita dans la manière dont est organisée la Fontaine et son sens de circulation. Après le film, elle est fermée à la circulation. Il y a des policiers qui veillent 24 heures sur 24 sur la Fontaine de Trevi puisque c'est devenu un phénomène et tout le monde veut s'y baigner. Ce qui était déjà un peu le cas, mais qui était beaucoup plus anecdotique. Donc il a eu aussi un impact très concret dans la hiérarchie aussi des lieux et de ce qu'on pense être Rome, de ce qui est le plus visité, de ce qui est le plus symbolique de cette ville. Qui n'a pas jamais vu un film de Fellini connaît cette image-là où Anita Ekberg se bagne avec Mastroianni dans la fontaine. La Dolce Vita commence par des dames en maillot de bain, des belles et des jolies femmes qui sont sur la terrasse d'un bâtiment dans un quartier de Rome, et à la piscine, qui regardent en haut et elles voient un hélicoptère qui transporte la statue d'un Christ avec les bras ouverts et essaie de parler avec Marcello Mastroianni qui est dans l'hélicoptère, mais la communication n'est pas possible. Mais de toute façon, il y a ce Christ au début qui donne vraiment une atmosphère de sacralité. Mais il y a eu même des interprétations de la part de certains critiques jésuites, Civiltà Cattolica, qui disaient que les scènes apparemment un peu décousues de la Dolce Vita représentent les sept vices capitaux. Et donc, il y a tout un discours de réflexion sur les conduites humaines. Donc, vraiment, il y a eu aussi des lectures sacrées, religieuses de ce film, apparemment scandaleux. On avait demandé à Mastroianni qu'est-ce qu'il y avait au début de la Dolce Vita. Et Mastroianni a dit, bon, j'étais presque un inconnu, je suis allée voir Fellini parce que je crois que c'était Giulietta Masina qui lui avait présenté son mari. Et Fellini fait apporter une sorte de chemise. À l'intérieur de cette chemise, il n'y a rien. Il y a uniquement un dessin. Et cet dessin représente un homme qui nage sur la mer, son sexe qui plonge au fond de l'eau comme si c'était une canne pour pêcher avec un hameçon. Et au fond, il y a des femmes qui rient, qui sont là, qui se moquent un peu de lui, etc. Donc, au début de la Dolce Vita, il n'y avait que cette image, c'est-à-dire un homme qui pêche avec son sexe au fond de l'eau. La Dolce Vita, infatti, che cosa la Dolce Vita, quelle est son intention? C'est un monde qui est en train de céder. Dans une société, des personnages dont les fondements se fragmentent. Qu'est-ce qu'on voit dans la Dolce Vita? On voit une série de personnages qui ne font qu'accepter, sans surprise ni scandale, le péché. Il y a une évidence du péché. Et aujourd'hui, même dans les familles bourgeoises les plus timorées, il y a cette concession. Je crois que c'est ça que raconte le film. Un édifice qui s'écroule parce que ses fondements n'ont plus d'utilité. Je crois que c'est ça la force la plus authentique de la Dolce Vita. On a dit du film qu'il était une sorte de procès. Oui, peut-être. Mais ce n'est pas un procès fait par un juge, mais par un complice. C'est le grand phénomène des années 50, c'est l'explosion des journaux qu'on appelle les rotocalchi à l'époque, qui commencent à se vendre à des centaines de milliers, voire des millions d'exemplaires, donc qui sont un peu le phénomène médiatique et qui racontent, ce faisant, une nouvelle société en train de naître. Ça, ça intéresse beaucoup Fellini, sur les faits eux-mêmes, mais aussi sur la manière dont ils sont rapportés. Donc il y a beaucoup de coupures de journaux qu'on trouve dans ces archives, des coupures de journaux qui font notamment état à Rome de l'explosion du cinéma et de l'arrivée de plein de stars comme ça qui viennent attirés par les studios de Cinecittà qui accueillent des tournages du monde entier et notamment des super productions américaines. Donc la ville change sous cet impact-là, les journaux en font état et Fellini commence à s'intéresser à ça et aux conséquences sur la ville de ses arrivées. Dans les articles qui font état de cette nouvelle vie, en effet, il y a une nouvelle pratique journalistique quasiment qui est d'aller se confronter à ces stars et d'essayer d'en révéler un peu le côté obscur ou leur nuit ou leur confrontation. C'est lui qui invente le nom de paparazzi, puisque son personnage principal, un de ses personnages principaux, est un photographe qui suit le journaliste joué par Marcello Mastroianni un peu partout, et il l'appelle Paparazzo. Plusieurs scandales, notamment, qui font en effet la une des journaux, et que Fellini observe, et on va voir les sources dans la Dolce Vita, mais il y a notamment un striptease d'une Turque lors d'une soirée de milliardaires dans un café du Trastevere qui fait la une des journaux pendant très longtemps avec une affaire avec de multiples rebondissements pour savoir qui était participant de cette fête, qui était cette Turque, quels étaient ses liens avec telle et telle star qui était présente. Et on voit que dans la population présente, il y a déjà Anita Ekberg. Anita Ekberg qui est, à l'époque, donc une actrice très, très connue, une star très identifiée. Et très clairement, au bout d'un moment, quand il décide de faire le film, il se dit voilà, Anita Ekberg l'a fait, j'ai pas de raison de prendre quelqu'un d'autre presque. Donc il construit comme ça, avec des sources très identifiées, les prémices de ce que va être le fil conducteur de la Dolce Vita. Il y a eu un fait divers de chronique noire à l'époque qui a fait vraiment scandale. Et là, à mon avis, il y a vraiment une allusion à l'affaire de Vilma Montesi dans ce film. Parce que là, on a trouvé les cadavres d'une jeune fille sur une plage. C'est près de Rome, vraiment comme dans le final de la Dolce Vita où on trouve le poisson monstre. Et cette jeune fille, on ne sait pas bien qui c'était, mais c'était quelqu'un qui fréquentait les milieux de la mode, du cinéma, des artistes. Il y avait même un musicien qui faisait du cinéma, Piccioni, qui était l'enfant, le fils d'un homme politique de la Démocratie chrétienne. Donc ça a été un cas dont tous les journaux ont parlé pendant des années. Donc Fellini était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup, même aux chroniques de l'actualité. Donc c'était sûr qu'il avait pensé, parce que bien sûr, Vilma Montesi, on avait pensé que ça avait été la victime, par exemple, d'une fête avec des drogues, du sexe. Donc on avait regardé ce côté un peu trouble dans la société même proche de la Démocratie chrétienne. and the elevator come all the way up here? Look at all his names. Edna, give me a pencil. I want to write mine too. Edna, come and look. Silvia, Silvia, look here. It looks like a ship. How many feet high is this? Oh, very, very high. Silvia, Silvia. Oh, siamo nel 1960. Nous sommes en 1960. Nous sommes à la fois loin et proche de 1968. Dans la société italienne, pointe des velléités de rébellion d'une nouvelle génération qui préoccupe les hiérarchies politiques et vaticanes. Pour contrer cela, naît une sorte d'entente politique avec le Vatican. La démocratie chrétienne a dirigé le pays pendant plusieurs décennies. Le cinéma capte cette rébellion qui est dans l'air. Il y avait une tension en pointillé, mais exagérée vis-à-vis du cinéma. Il y avait une influence majeure qu'il n'a plus aujourd'hui. Vedere oggi, no? Il cinema oggi non ha questa capacità di presa. Fellini, dans son dernier film, Les Nuits de Cabiria, en 57, avait été salué de manière enthousiaste par la critique catholique, qui le considérait comme leur protégé. Il y avait donc beaucoup d'attentes et de curiosité pour ce film qui était en train de tourner, La Dolce Vita. Et nous sommes en 1960. Le film est montré pour la première fois le 31 janvier 1960 au Centre San Fedele de Milan, qui est un centre jésuite, en présence de 7 religieux, 70 journalistes et de Federico Fellini lui-même. A seguito del film, subito dopo il film, viene fatto un dibattito coordinato da Padre Angelo Arpa. Padre Angelo Arpa. Après la projection, un débat est organisé. Amici di Fellini, anche dopo questa. C'est le Père Angelo Arpa qui devient par la suite un des grands amis et grands confesseurs de Fellini qui anime ce débat. E Padre Angelo Arpa. Et le Père Angelo Arpa intervient quelques jours plus tard sur Paesa Sera, un journal très diffusé à l'époque, pour faire une critique enthousiaste du film. Il écrit « Jamais comme aujourd'hui, le cinéma a représenté le péché avec une telle force morale, avec un tel dégoût, avec une telle capacité à rendre le péché non attirant. » La vision que Fellini donne de la Rome de ces années-là est tellement immorale qu'elle en est repoussante. C'est ça que dit le Père Angelo Arpa. De l'autre côté, le film, en partant de la très forte dénonciation de cette dégénérescence morale et culturelle de la culture italienne, posait une question profondément ancrée dans l'homme. Quel est le sens de la vie, si tout ce que nous vivons aujourd'hui est mal ? Et cette lecture est celle des jésuites du centre San Fedele de Milan. Quelques jours plus tard, l'Observatoire romain publie une série de commentaires non signés contre la Dolce Vita, en déformant le titre pour faire de la douce vie la vie sale, la vie dégoûtante. Della Santa Sede preposta a dare i giudizi pastorali, non critici, pastorali sui film. Au même moment, le centre cinématographique catholique, qui était l'organe du Saint-Siège, qui avait pour fonction de donner un jugement spirituel sur les films, publie une condamnation sans appel de la Dolce Vita. Ma proprio questo lavoro, no, di scavo, di interpretazione, ermeneutico, di contrapposizione, se vuoi, dialettico sulla Dolce Vita. En partant de la critique d'un film, on débouche sur une grande question idéologique et doctrinale au sein de l'Église catholique, avec une fracture inédite jusqu'alors. Ce film a été très important. « M. Fellini déclare que son intention n'a jamais été de déchaîner une guerre civile. Et c'est avec surprise qu'il vient d'apprendre qu'un mari a tenté d'assassiner sa femme après une projection de La douceur de vivre parce qu'ils avaient sur la portée morale du film une opinion différente. Est-il besoin de souligner que ce n'est pas cette sorte de scandale qu'il a recherché ? Pour nous, nous espérons qu'il enverra deux billets gratuits au couple irascible dès qu'il sera sorti de l'hôpital. Ce que je voulais te demander toujours à propos de la Dolce Vita, c'est si le scandale qu'il a suscité, si tu l'as cherché d'abord. Alors, en admettant que tu ne l'as pas cherché, si l'ayant, il ne te sert pas, si tu ne t'en accommodes pas. Mais tu crois vraiment que je suis le genre de type qui se dit maintenant je vais faire un film scandaleux ? Mais je n'ai pas bien compris ce qui a scandalisé dans la Dolce Vita. Au fond, je ne veux pas comprendre. Parce que si la Dolce Vita a fait scandale, parce que c'est l'expression d'un homme libre, qui a le courage de regarder les choses en face, si cela fait scandale, les conclusions qu'on en tirerait seraient inquiétantes. Je ne peux pas dire ce qui a fait scandale. Et le scandale n'a rien à voir avec le film. Il regarde le public. Marcello, we must find some milk. No, tesoro, ma dove lo trovo il latte a quest'ora? I saw Bob over there. Pour la Dolce Vita, la scène emblématique, pour moi, il n'y a pas trop de doute, c'est celle de la fontaine de Trevi. Vieni qua, fermati. No, no, not here. Andiamo. It must be over there. Ma che ne sai tu dove sta la latteria? Guarda, aspettami in macchina, ci vado io. Wait in my car. Cette scène, dont on a une assez fausse idée en fait, parce que on n'en retient plus que le photogramme final qui est celle d'Anita Ekberg dans la fontaine. On ne voit pas d'où elle vient cette scène, qui est finalement assez longue, qui est le fruit de toute une déambulation dans les petites rues de la Rome antique, comme ça, dans des rues dont on ne sait pas trop vers quoi on va déboucher. Et c'est d'ailleurs une belle manière de mettre en scène la fontaine de Trevi, parce que c'est vrai que dans ces rues-là, on ne voit pas plus loin que le bout de la petite ruelle, et la fontaine de Trevi est une surprise quand on la découvre. Choisir Anita Ekberg a été un coup de génie. Oh, hello. C'était une statue, une sorte de déesse. Sophie Guermès. Donc elle allait bien avec des monuments de Rome, des statues qu'on peut voir un peu partout. Et quand il la plonge dans la fontaine de Trevi, il s'inspire d'une anecdote réelle, à savoir qu'elle se baladait dans Rome, c'était avant le tournage de la Dolce Vita, elle a mal au pied à un moment donné, elle trempe son pied dans la piscine, dans la fontaine, il y a des photos qui sont prises. Et elle est un peu l'équivalent féminin des statues de géants qu'il y a sur la fontaine des Quatre Fleuves, Piazza Navone. Elle est un fleuve féminin en quelque sorte qu'il mettrait dans la fontaine de Trevi. Marcello, come here. Hurry up. Quand Fellini choisit Marcello Mastroianni pour la Dolce Vita, c'est parce qu'il a un physique passe-partout. Pas du tout le Latin Lover que l'on va ensuite imaginer. Ma si, ha ragione lei, sto sbagliando tutto. Dans les années 50, Mastroianni tourne des films où il a parfois des personnages relativement quelconques. Dans Dommage que ce soit une canaille, il fait un chauffeur de taxi. Et il a longtemps été perçu comme le chauffeur de taxi parfait. Et là, la créature va échapper à son créateur. Mastroianni devient Mastroianni. Listen. Si. We'll be right back. La Dolce Vita fait un scandale comme très peu d'œuvres auparavant. Le film, en effet, est très attendu. Il y a beaucoup de rumeurs et beaucoup de personnes qui ont des positions avant même que de le voir. Certains souhaitent d'ailleurs le faire interdire. Il y a des rumeurs aussi sur le fait qu'il y aurait eu des censures sur le film. De fait, il sort dans la version que souhaitait Fellini et il fait le plus grand succès de tous les temps dans le cinéma italien. C'est plus de 10 millions d'Italiens qui vont aller le voir à l'époque. Et évidemment, il a un retentissement international. Il aura la Palme d'Or au Festival de Cannes. Et donc, le scandale va nourrir aussi le succès du film, mais sans arrêter le scandale. Et à partir de là, la Dolce Vita est aussi un tournant dans l'œuvre de Fellini par la stature que ça va lui donner et par le rôle quasi politique qu'il aura à partir de là. Le festival de Cannes, qui s'achève en beauté, a battu le rappel des vedettes. Gilbert Bécaud, Félix Martin et Perrette Pradier, Michel Simon et Dany Saval, au milieu de 75 starlettes de tout style, fêtaient la Dolce Vita, dont les vedettes Magali Noël et Nadia Grey, précédé Federico Fellini, le réalisateur, accompagné de Mastroianni et d'Anouk Aimée. La plus belle nuit du festival. Belle nuit qui ne s'est pas arrêtée au spectacle, puisqu'aussitôt après, l'assemblée s'en allait joyeusement fêter au spaghetti, naturellement, le triomphe du film. Cependant que le jury, présidé par Georges Simenon, commençait à élaborer le futur palmarès, car c'est tout cela, le festival, des vedettes qui sourient un peu, et un jury qui travaille beaucoup. Quand Georges Simenon prononce le nom du vainqueur, il y a plein de sifflements et les gens n'étaient pas contents du tout. C'est-à-dire, il y avait bien sûr une partie du parterre qui était d'accord, mais il y avait une très grande partie du parterre qui n'était pas d'accord. Mais ce n'est pas le scandale de même nature que celui qu'on a en Italie, qui est vraiment un scandale sur qu'est-ce qu'on veut raconter à travers ce film et quelle est l'image qu'on donne de l'Italie et de Rome. Là où finalement à Cannes, ça prend très bien et ça va très bien d'ailleurs avec l'univers cannois où pour la soirée de fête de la Dolce Vita, évidemment les producteurs mettent en scène une soirée telle qu'on peut les retrouver dans le film ou dans l'imaginaire romain avec des bouteilles de champagne qui sont au fond d'une piscine où tout le monde plonge pour aller les chercher. Et du coup, ça nourrit encore l'imaginaire et la légende du film, les journaux de ces faits divers comme ça mondains et artistiques. Dolce Vita dépasse largement le réalisateur. Elle transforme l'Italie, le Vatican et même la géographie de Rome qui rime désormais avec la vie décousue et insouciante de ses personnages Marcello Mastroianni et Anita Ekberg. Quelques années plus tard, Fellini déclare « Rome m'a créé, alors à mon tour, j'ai créé Rome ». Depuis la Dolce Vita, on cherche des soirées mondaines dans les ruines de Caracalla, des intellectuels entre les tables de la Via Veneto, des aventures dans les ruelles du centre. Rome est la caverne aux images de Fellini, qui devient à son tour l'image de Rome à travers le monde. La Dolce Vita est un tournant, c'est parce que lui-même, Fellini, arrive à un tournant de sa carrière, à une maturité aussi artistique, où il se confronte directement au sujet qui est le sien. Il prend enfin à bras-le-corps son sujet qui est celui de sa ville et de son pays. Ce qu'avait fait d'ailleurs avant lui Rossellini avec Rome ville ouverte, où le sujet c'est, on est en 45 et comment on raconte notre ville, notre pays, comment on se projette. Fellini reprend le même point de départ et ose se confronter à cette grande question, et il le refera 10 ans après avec Roma. La Dolce Vita et Roma ont le même point de départ avec 10 ans d'écart. La même envie de parler de sa ville, de son pays, et d'en faire le sujet et le point de départ de sa démarche artistique et de son envie d'œuvre. Donc tout ce que Fellini n'avait pas pu mettre dans la Dolce Vita, quelque part, tout ce que aussi il observe de très différent 10 ans après, parce que la ville s'est vraiment transformée dans ces années-là, ces deux œuvres qui se répondent en effet et qui sont deux volets d'une même grande ambition qui est de raconter sa ville et à travers elle son pays. Il vuoto stavolta è più vasto di quello dei Colli Albani. Quand lui pense à Rome, il pense au Colisée. Il le dit d'ailleurs dans Bloc-Notes d'un cinéaste. Hein. Il dit le Colisée, les gladiateurs, etc. Rome, c'est ça. Mais moi, ma Rome, c'était celle des films que je voyais quand j'étais gamin, avec la cruelle impératrice, la Messaline de service, le cruel empereur, évidemment le Caligula de service, et puis le saint et la blonde. Il donne cette interview qui est formidable dans le New York Times en disant « j'en ai assez ». On me parle de la Rome, de comment elle devrait être. Moi, je vais créer ma propre Rome, à partir évidemment de ses ruines, etc., de ses vestiges archéologiques, créer une Rome qui sera ma Rome à moi, mais une Rome dans laquelle personne n'aura jamais été, une Rome de science-fiction. Ce sera comme descendre, fond les mers, ou bien aller sur Mars. Ce sera ça, cette Rome. Et il va construire sa propre Rome à partir de tout ça, pour donner quelque chose de tout à fait original. Mais c'est une ville qui se prête à ça, c'est inscrit dans sa nature parce qu'elle est foncièrement archéologique. Elle est foncièrement faite de couches. Quand vous vous baladez dans les rues de Rome, vous savez très très bien, vous pouvez être Piazza Navona dans une place baroque, vous tournez au coin de la rue et vous voyez les vestiges et vous comprenez du cirque et vous comprenez qu'en réalité c'était autrefois une pièce antique, c'est une ville archéologique. Le cinéma de Fellini est un cinéma qui est aussi archéologique. Gli archeologi ci faranno sospendere i lavori per un paio di mesi. Forse c'è una caverna o delle catacombe. Potremmo provare ad assaggiare la parete qua e là, ma con molta attenzione. Mettete in moto la fresa. Finire i miei film di fantascienza, film di fantascienza. Entre toutes les définitions que j'ai entendues, film de la memoria, film de la mémoire, film narcissique, film de la province, fantastique. Dire que je fais de la science-fiction est une définition que j'accepte avec le plus de plaisir, dans laquelle je me reconnais le plus. Il y a une tentative chez moi de regarder la réalité avec l'œil émerveillé et surpris de celui qui ne connaît rien. Et qui tente donc de la réinterpréter ou de lui donner des significations, de la dilater comme si elle contenait des lois impénétrables, des influences inconnues, des messages indéchiffrables. Je crois que c'est comme cela que je définirais l'état de tension et de curiosité qui surgit naturellement en moi devant les choses. Sorge in me davanti alle cose. Ho fatto poi due veri. Et puis j'ai fait des films que je considère tout à fait de science-fiction. Le Satyricon, par exemple, qui tente, plutôt qu'un voyage spatial, un voyage dans l'espace-temps. Et qui traite de la romanité comme d'une dimension perdue dans le cosmos. L'antiquité fellinienne, c'est pas l'antiquité de marbre blanc, reconstituée, impériale, glorieuse, etc. C'est une antiquité fragmentaire, c'est une antiquité qui est là, à l'état présente, justement, à l'état de vestige. Et ça, c'est presque le symptôme, d'une certaine manière, de la manière dont notre présent est rempli de fragments de passé. Il a cette phrase que je trouve très très belle, qui c'est au moment où il réalise le Satyricon, et il dit dans un entretien avec Alberto Moravia, il dit « L'Antiquité n'a peut-être jamais existé, mais il ne fait aucun doute que nous en avons rêvé. » C'est une phrase qui est vraiment une clé de lecture, de, non seulement de son rapport au passé, qui est fondamental dans son œuvre, son passé personnel et le passé de Rome et de l'humanité, mais une clé de son œuvre de manière générale, puisqu'il a une autre phrase qui est « Je suis un grand menteur ». Ça va ensemble, en fait. C'est-à-dire, il y a cette idée que De la même manière qu'on ne peut pas ressaisir le passé tel qu'il était, un cinéaste, un artiste ou n'importe qui, quand il se replonge dans ses souvenirs d'enfance, n'a accès qu'à des souvenirs qui sont transformés par tout ce qu'il a vécu ensuite, par ce qu'il projette sur ces souvenirs-là au moment où il essaye de les réactiver. Et donc, voilà, ce rapport au passé, c'est celui-là. Et c'est celui qui est mis en scène dans cette scène fondamentale et qui est aussi une clé de son œuvre, qui est cette scène du percement du métro dans Fellini-Roma, où en effet, on perce le métro, on découvre une villa antique avec des fresques magnifiques, et puis l'air entre et les fresques s'effacent. C'est-à-dire que l'accès au passé n'est pas possible. Pour lui, Rome est véritablement une sorte d'image, véritablement, de l'inconscient individuel et collectif qui est nourri par des centenaires, des millénaires de représentations passées et présentes qui nourrissent la création. C'est un monde qui nous sépare de la Rome antique. Il n'en reste que des vestiges qu'il fait sien dans ses films, en réalité. Des fragments, des poussières en quelque sorte. Mais retrouver la réalité de cette Rome-là, c'est impossible. Alors cette Rome antique, est-ce qu'elle parle aussi de la Rome du temps de Fellini ? La réponse est non. Mais c'est un portrait de Fellini. Comme la Dolce Vitale. Il y a une sorte de mise en abîme permanente chez Fellini entre Rome, le studio et l'inconscient. C'est-à-dire que pour lui, c'est des lieux clos qui sont remplis de représentations existantes, présentes et passées. Et donc, cette mise en abîme, elle est assez fondamentale. C'est-à-dire qu'il va à Rome. Dans Rome, il y a les studios de Cinecittà, donc une sorte de boîte à l'intérieur de Rome. Dans les studios de Cinecittà, il met en scène Rome. Il remet en scène Rome, donc nouvelle boîte à l'intérieur des studios. Et Rome, c'est ça pour lui. C'est une sorte de boîte, d'une certaine manière, qui contient toutes les représentations possibles. C'était Federico Fellini, l'illusionniste. Épisode 2, Rome, la caverneuse image. Avec Laura Nuti, scénariste, Julien Neutre, producteur, Gianluca Arnone, rédacteur en chef de la revue catholique Il Cinematografo, avec l'historienne et les historiens Anne-Violaine Houck, Jean Gilly et Jean-Noël Castorio, et les professeurs de littérature Sophie Guermès et Marina Géat. Dans le rôle de Federico Fellini, Frédéric Pierrot. Doublage, Marceau Vassy. Prise de son, Romain Luquins, Pierre Henry, Mélodie Eisman et Olivier Arnay. Mixage, Claire Levasseur. Documentation, Antoine Billoz et Anne-Lise Signoret. Ina, Emmanuel Luccioni. Avec des extraits de Fellini, d'André Delvaux et Dominique Delouche, et de Je suis un grand menteur, de Damien Petitgroux, et les extraits des films Fellini-Roma, La Strada, Il Bidone, Les Nuits de Cabiria et La Dolce Vita. Collaboration Luca Bolland, Coordination, Christine Bernard. Federico Fellini, L'Illusionniste, une grande traversée de Matteo Caranta, réalisée par Somanina. Découvrez les quatre autres épisodes de cette grande traversée Federico Fellini sur franceculture.fr et l'application Radio France.